طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ محمد بن الصالح العثيمين عليه رحمة الله: القسم الثاني، donc Cheikh Al-Uthaymeen, il poursuit dans son chapitre concernant la quatrième règle, lorsqu'il évoqua que les gens, vis-à-vis des textes et de leur sens apparent, les premiers sens qui nous viennent à l'esprit en ce qui concerne les textes portant sur les noms et les attributs d'Allah Azzawajal, les gens se divisent en trois catégories. Donc la semaine dernière, on a vu la première catégorie qui ne sont autres que les gens de la sunna, les partisans de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et qui suivent la voie des pieux prédécesseurs parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'à nos jours et jusqu'à la venue de l'heure. Donc, cette catégorie-là, eux, ils ont pris les sens apparents et prédominants qu'indiquent les textes portant sur les noms et les attributs, et ils les ont affirmés à Allah Azzawajal comme tels. Bien sûr, en réfutant toute forme de déficience à Allah Azza wa Jal. Donc cette catégorie de personnes est la seule catégorie qui suit la voie authentique, qui est sur la voie à suivre. Donc là, on va voir les deux autres catégories de personnes qui sont en réalité les catégories dans lesquelles se sont égarés bon nombre de gens. Wallahu al-musta'an. Qala al-qismu al-thani man ja'alu al-zahir al-mutabadira min nusus al-sifat ma'nan batilan la yaliqu billah. Donc la deuxième catégorie, ce sont des personnes qui ont fait des textes ou du sens apparent des textes, yani le sens qui nous vient à l'esprit, le premier sens qui nous vient à l'esprit, ils ont considéré ce sens comme étant un sens qui n'est pas convenable à Allah Azza wa Jal. Un sens qui n'est pas convenable à Allah Azza wa Jal. Naam. Fa haula an-nas balaghu fi ithbat al-ma'na adh-dhahir. Donc ça, c'est des gens qui, en vérité, ils ont exagéré dans l'affirmation du sens apparent. Ils ont exagéré dans l'affirmation du sens apparent. Wa bitali abtalu adillat tanzih Allah Azza wa Jal 'an an-naqa'is. Et comme ils ont exagéré, ils ont à la fois réfuté tous les textes qui montrent et qui prouvent et qui affirment qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout défaut. Donc eux, ils ont exagéré dans le fait d'affirmer les attributs, et cette exagération les a amenés à réfuter les textes qui prouvent qu'Allah est exempt de tout défaut. نعم. وأهل السنة يثبتون ظواهر المعاني من النصوص مع مراعاة أدلة التنزيه. Et donc la différence entre eux et les gens de la Sunna, c'est que les gens de la Sunna, ils affirment le sens apparent des textes tout en réfutant toute forme de déficience à Allah Azza wa Jal. Tamam. Donc là, en gros, cette deuxième catégorie de personnes, Eux, ils ont vu, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, bal yadahu mabsutatan. Allah a deux mains qui sont ouvertes, qui sont étendues. Eux, ils sont venus, ils ont dit, bon, Allah, il a deux mains. Donc, ils ont affirmé le sens apparent, mais ils ont exagéré dans cette affirmation lorsqu'ils ont dit que ces deux mains qui sont comparables aux mains de l'être humain, hein, avec des phalanges, avec ceci, avec cela, avec... Bon, encore les phalanges, ça peut être... c'est affirmé dans certains hadiths. Mais ils vont comparer les mains d'Allah aux mains de créatures, ou bien ils vont imaginer une quelconque forme. Là, à partir de là, ils sont rentrés dans une exagération. Tamam ? Naam. Donc on revient sur les textes de Cheikh Mohammed. Il dit « Man ja'alu al-zahira al-mutabadira min nusus al-sifat ma'nan batilan la yaliqu billah wa huwa at-tashbih » Donc ça, yani cette exagération-là, ce n'est rien de plus, rien de moins que ce qu'on appelle at-tashbih, c'est la comparaison. Ils ont comparé les attributs d'Allah Azza wa Jal aux attributs des créatures. وأبقوا دلالتها على ذلك وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. Donc ces personnes-là, ils ont affirmé les textes concernant les noms et les attributs. Le problème, c'est qu'ils ont exagéré et ils ont comparé ces attributs aux attributs des créatures. Et cette secte-là, on l'appelle la secte des Mushabbiha, ceux qui comparent. Ceux qui comparent. Al-Mushabbiha. Et donc, leur voix est une voix erronée et caduque et interdite, Muharram, et ce, de plusieurs points de vue. Al-Awwal, annahu jinayatun ala nusus wa ta'tilun. Tout d'abord parce que c'est une abomination en ce qui concerne les textes sacrés du Coran et de la Sunna. Wa ta'tilun laha 'anil murad biha. Et c'est une ablation du but pour lequel ces textes sont venus et yani ce qu'ils indiquent. C'est-à-dire c'est véritablement mada une ablation et une réfutation catégorique concernant le but pour lequel ces versets ou ces hadiths nous sont parvenus. فَكَيْفَ يَكُونُ الْمُرَادُ بِهَا التَّشْبِيهِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Comment pourrait-on comprendre que le but de ces textes c'est de faire une comparaison entre les attributs du Créateur et ceux d'une quelconque créature, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces mêmes textes, il nous dit Allah n'a laissé kamithlihi shay, Allah n'a aucun ego et aucun comparatif. Allah n'a aucun ego et aucun comparatif. Donc ça, c'est le premier point de vue. Deuxième point de vue, anna al-aqla dalla ala مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات. Deuxième point, c'est que la raison, et quand on parle du عقل هنا هو العقل السليم وإلا العقل الفاسد ما يدل إلا على باطل ما يدل وما يرشد صاحبه إلا على باطل. نعم. Et quand on parle de la raison, on parle de la raison saine. Donc là, il dit, la raison indique clairement qu'il y a une différence entre le Créateur et les créatures. Que ce soit du point de vue de l'être en lui-même ou de ses attributs. Avec la raison, tu comprends qu'il y a une différence entre le Créateur et la créature. Et là, quand on parle de la raison, c'est-à-dire la raison salim, la raison mada, préserver de toute déviation. Car si on parle de la raison qu'on certaines sectes, yani leur méthode de raisonnement, à la base de leur méthode, il y a déjà un khalal, il y a déjà un problème. Donc là, n'importe qui a une raison plus ou moins saine, hein, plus ou moins préservée, il reconnaît clairement qu'il y a une différence entre l'être d'Allah Azza wa Jal et l'être de ses créatures. Et qu'il y a une différence entre les attributs d'Allah Azza wa Jal et les attributs des créatures. Naam. طيب قال أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. Donc comment on pourrait juger que les indications que nous donnent les textes amène à une comparaison entre le créateur et la créature. Ça va ? Donc ça, c'est le deuxième point de vue, avec lequel on réfute la voix des mushabbiha, de ceux qui comparent les attributs divins avec les attributs des créatures. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. Troisième point, c'est que cette compréhension qu'a compris le mushabbih, celui qui compare les attributs divins avec les attributs des créatures, c'est une compréhension qui n'était pas celle des pieux prédécesseurs. Celle sur qui le Coran et la Sunna sont descendus directement. Les premiers à être interpellés et interloqués par le Mahdi. Interloqué. Naam. Par le Coran et la Sunna. Tamam. Donc ces personnes-là avaient une compréhension qui n'est pas la compréhension de ceux qui sont venus, de ceux ou celles qui sont venus après eux. Et ça, en soi, ça montre déjà le caractère caduque de la voix des mushabbiha. Car si ces premières générations n'étaient pas sur cela, comment nous, à qui ces textes sont arrivés bien après ces personnes-là, comment nous serions-nous dans une guidée et eux dans un égarement? Naam. Donc, celui qui veut la guider, il se doit de se conformer à la tradition du prophète alayhi salatu wasalam et de ses compagnons. Naam. طيب فإن قال المشبه قال فإن قال المشبه طيب فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله. Donc si le مشبه يعني il dit: moi, je ne peux pas concevoir, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il descend ou qu'il a une main, autre chose que ce que possède la créature comme attribut, c'est-à-dire comme main, ou comme manière de descendre. Je ne peux pas concevoir autre chose que ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interpellés par des choses que l'on connaît et que l'on comprend. Qu'est-ce qu'on répond à cela? Hein? Si le mushabbih, on tombe sur une personne qui nous dit ça, on répond tout simplement فَجَوَابُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهُ. On répond que la réponse va se faire de trois points de vue. أَحَدُهَا أَنَّ الَّذِي خَاطَبَنَا بِذَلِكَ هُوَ الَّذِي قَالَ عَنْ نَفْسِهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Tout d'abord, il faut savoir que celui qui nous a interpellés par ces versets et ces hadiths, c'est le même qui a dit laisa kamithlihi shay, je ne suis comparable à, il n'est comparable à quiconque, il n'a pas de comparatif. Wa naha ibadahu an يَضْرِبُوا لَهُ الْأَمْثَالِ أَوْ يَجْعَلُوا لَهُ أَنْدَادَ. Et c'est lui aussi qui a interdit formellement à ses serviteurs de lui trouver un quelconque égo, ou de lui chercher un quelconque égo ou comparatif. قال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. Et donc il faut savoir que les paroles d'Allah, tout autant qu'elles sont, c'est une vérité. Et aucune des paroles d'Allah contredit l'autre. Elles ne se contredisent pas entre elles, les paroles d'Allah Azza wa Jal. Fa yani qawl al-mushabbiha ou al-mumathila yani muqtada qawluhum ithbat at-tanaqud. Ithbat at-tanaqud fi kalam Allah wa hadha min a'zam al-butlan kama ta'lam. Donc si on prend la parole, on suit la voie, na'oudu billah min dalik, mais si on suit la voie de cette secte égarée, ça sous-entendrait à dire qu'il y a une contradiction dans les textes ou dans les paroles d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire Allah il nous dit ne cherchez pas d'ego, et nous on va dire que bal yadahu mabsutatan, Allah il a deux mains, c'est comme les mains de la créature. Allah il nous dit qu'il n'a pas de comparatif, et nous, on va quand même faire une comparaison. Ça sous-entendrait qu'il y a une contradiction dans les textes. Et ça, c'est l'une des choses les plus absurdes qu'il soit. Qala mada? Qala thaniha an yuqala lahu أليست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات فسيقول بلى. On dira aussi, d'un deuxième point de vue, on dira à cette personne-là, est-ce que tu comprends et tu est-ce que tu comprends et tu affirmes qu'Allah a un être qui n'est pas comparable aux autres? La personne, bien évidemment, elle va nous dire oui. Elle va acquiescer, elle va répondre que pas. Elle va répondre par l'affirmative. فَيُقَالُ لَهُ فَلْتَعْقِلْ لَهُ صِفَاتٍ لَا تُشْبِهُ الصِّفَاتِ فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي الصِّفَاتِ كَالْقَوْلِ فِي الذَّاتِ وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَنَاقَضَ. Donc, si lui il affirme que Allah subhanahu wa ta'ala, son être n'est nullement comparable aux êtres des autres créatures, alors on lui dira qu'il doit comprendre de par cela que les attributs d'Allah ne sont nullement comparables aux attributs des créatures. Pourquoi ? Parce que la parole au sujet de l'être est équivalente à la parole au sujet qui porte sur les attributs. La parole au sujet de l'être est équivalente à la parole au sujet des attributs. Et celui qui sépare entre ce qui concerne l'être et ses attributs, lui-même il est tombé dans une contradiction. Comment tu nous dis que Allah subhanahu wa ta'ala, il a son être est nullement comparable avec les êtres des créatures, et tu viens tu nous dis qu'il a une main comparable à la main des êtres humains? كيف هذا الخبر؟ C'est une contradiction évidente. Tamam. Thalithuha an yuqala alasta tushahidu fil makhluqat ma yattafiqu fil asma wa yakhtalifu fi al haqiqa wal kayfiyya fa sayaqulu bala. Na'am. Troisièmement, on lui dira: ne vois-tu pas à travers la création qu'il y a des choses qui portent le même nom? Hein? Il y a des choses qui portent le même nom et qui pourtant sont totalement différents dans leur conception. Ils ont le même nom, mais ils sont totalement différents dans leur conception. À l'exemple de quoi, on va prendre l'oreille de l'être humain. Elle s'appelle, on l'appelle oreille. Ok. Maintenant, quand on va dire l'oreille de l'éléphant, est-ce que l'oreille de l'éléphant est comparable à l'oreille de l'être humain? Ben là, non. Donc lorsqu'on va dire ça à celui qui compare les attributs d'Allah avec ceux de la créature, il va automatiquement affirmer s'il n'est pas un négateur renfrogné. Il va automatiquement affirmer cela. نعم فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقل لا تعقله بين الخالق والمخلوق. On lui demandera, si tu sais qu'il y a une différence entre les créatures sur ce point-là, alors pourquoi tu ne comprends pas qu'il y a une différence entre le créateur et Mala et ses créatures? Donc lui, il va te dire, je comprends qu'il y a une différence lorsqu'on dit l'oreille d'un être humain et l'oreille de Mada, de l'éléphant. Il va dire, ouais, je comprends. Donc on lui dira, mais pourquoi tu ne comprends pas lorsqu'on te dit que la main d'Allah n'est pas comme la main de l'être humain? Puisque tu l'as affirmé pour des créatures, qu'il y avait une différence, même si les noms sont les mêmes. Naam. مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم. Alors que la différence qu'il y a entre le créateur et les créatures est bien plus grande que la différence qu'il y a entre les créatures elles-mêmes. بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق. Mais bien plus, la comparaison sur tous les points de vue entre le créateur et sa création est totalement impossible. Est totalement impossible. On ne pourra pas trouver une chose qui dans l'univers qui est comparable à Allah Azzawajal dans tous les points de vue. Donc comme on a vu hier, Juan, dans les cours précédents, il y a une différence entre le mot temthil et le mot tashbih. Hein? Le mot temthil et le mot tashbih. Le mot, il y a une différence en langue arabe, bien qu'en français c'est la même chose, c'est comparaison, c'est une comparaison. Maintenant, le mot qu'a employé le Coran, c'est la réfutation d'une tamthil, du tamthil. Amma at-tashbih. En ce qui concerne le tashbih, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas venu le réfuter d'une manière catégorique. Pourquoi? Parce qu'ils disent, yani certains savants disent que at-tamthil, c'est la comparaison sur tous les points de vue. Sur tous les points de vue. Tandis qu'at-tashbih, c'est une comparaison sur un certain point de vue. Tamam? Donc le tamthil, c'est mamnou, haram, kufr, na'am, wa batil, voilà, bila shak. Donc le tamthil, il est formellement interdit, c'est de la mécréance, c'est une aberration, et madame, c'est totalement faux. De comparer Allah subhanahu wa ta'ala avec de tous les points de vue, ça, sur tous les points de vue, ça, avec une chose sur tous les points de vue, ça c'est totalement caduc. Tamam. Maintenant, le tashbih, c'est le fait de comparer Allah Azzawajal sur un certain point de vue. Et ça, ça peut être batil, comme ça peut être vrai, ça peut être affirmé. À quel moment on affirme une forme de comparaison entre Allah et sa créature? Lorsqu'il s'agit de la base de l'attribut. La base de l'attribut. La compréhension de base de l'attribut. T'as même, par exemple, on va dire que on va dire que la créature existe. L'existence, là, c'est un attribut. T'as même Fallah subhanahu wa ta'ala, il existe aussi. Il existe aussi. C'est un attribut aussi. C'est un des attributs d'Allah Azza wa Jal. Tamam, le fait qu'il y ait le wujud, qu'il soit présent ou qu'il existe, c'est un de ses attributs. Tamam. Maintenant, nous on affirme que l'existence d'Allah n'est nullement comparable à l'existence des créatures. Tamam. Naam. Donc, sur un certain point de vue, cette comparaison peut être affirmée. C'est-à-dire, sur la base de l'attribut, naam. Il y a un cadre mushtarak. Il y a un lien qui lie la créature avec son créateur. C'est-à-dire, sur la base de l'attribut. Allah subhanahu wa ta'ala, il est vivant. La créature aussi, pareil, elle est vivante. Maintenant, est-ce que c'est la même vie? Hacha wa kalla. Tamam? Naam. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen dit « Bal al-tamathul mustahilun bayna al-khaliq wal-makhluq wa kama sabaqa fi al-qa'ida kama sabaqa fi al-qa'idati al-sadisati min qawa'id al-sifat. » Naam. طيب القسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله عز وجل وهم أهل التعطيل. طيب la troisième catégorie de personnes ماذا qui ont une certaine appréciation des sens apparents des textes. La troisième catégorie, ce sont ceux qui vont prendre les premiers sens apparents qui leur viennent à l'esprit et qui vont en conclure un sens caduque. C'est-à-dire le même sens que la catégorie précédente. Ils vont tout d'abord considérer que le sens qu'indique cet attribut, par exemple, c'est la comparaison. C'est une comparaison. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ses mains, eux, ils vont comprendre directement que c'est des mains comparables à ces créatures. Et après avoir eu cette première compréhension, ils vont tout de suite rebondir en disant « Non, c'est impossible, donc ce n'est pas les mains. » Le but visé ne concerne pas les mains d'Allah Azza wa Jalla. Donc, ils vont chercher une interprétation qui, pour eux, leur est correcte. Je dis bien pour eux, leur est correcte. Donc, ils vont dire, Bal yadahum absutatan, il a deux mains qui sont étendues. Ils vont dire, non, ce n'est pas deux mains, c'est sa miséricorde. C'est son pardon. Ils vont dire, non, il s'agit des anges. Il s'agit de ceci, de cela. Fahimtum. Donc, tout d'abord, c'est les mu'attila, ceux qui... qui réfute l'affirmation des attributs d'Allah Azza wa Jal. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils font d'abord? D'abord, ils comparent. Ils tombent dans une forme de comparaison. Une fois qu'ils sont tombés dans cette comparaison, ils veulent en sortir en réfutant totalement l'affirmation de l'attribut. Tamam. قال وهم أهل التعطيل أهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم. نعم. Donc, une fois qu'ils vont vouloir fuir de la comparaison que leur a indiqué leur raison déficiente, une fois qu'ils vont vouloir fuir de cette comparaison-là, ils vont affirmer à Allah Azza wa Jal des sens autres que les sens premiers, et en se basant absolument ou totalement sur leur raison, sans le moindre dalil. Naam. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف ومذهبهم باطل من وجوه. نعم. Donc ces personnes-là, في الحقيقة في الأصل شبه في الأصل شبه ثم عطلوا فرارا عن التشبيه. Donc ces personnes-là, les mu'attila, ceux qu'on appelle les mu'attila, ceux qui réfutent catégoriquement l'affirmation des attributs d'Allah, eux, ce sont à la base des mushabbiha. Ce sont en vérité au début de leur pensée, ils sont mushabbiha. C'est-à-dire ils comparent les attributs d'Allah avec les attributs des créatures. Et lorsqu'ils ont établi cette comparaison, ils veulent s'en enfuir. Et en réfutant catégoriquement la tribu. تمام. فلهذا بعض العلماء يقولون كل معطل مشبه وكل مشبه معطل. نعم. Et c'est pourquoi les savants ils disent que toute personne considérée comme mu'attil, il est en vérité mushabbih. Il est mushabbih. Pourquoi? Parce qu'au début de sa pensée, il compare. Et ensuite, à cause de cette comparaison-là, il fuit et il réfute ensuite la tribu. Tamam? Et pareil pour le mushabbih. Le mushabbih, il compare, mais en vérité, il réfute en même temps. Pourquoi? Parce qu'il réfute d'autres versets qui montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est à aucun moment comparable. Aucunement comparable plutôt. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est aucunement comparable. طيب ومذهبهم باطل من وجوه. Et leur voix, la voix des mu'attila, est une voix erronée et Cheikh Al-Uthaymeen va évoquer plusieurs points de vue qui montrent que leur voix est erronée. Donc là, Cheikh Al-Uthaymeen il va évoquer pas mal de points de vue jusqu'à la fin des qawa'id concernant les noms et les attributs. Donc là, on verra ça la semaine prochaine. Bi'inillahi azza wa jalla.